En ce moment, le maréchal Hulot entra dans l'antichambre et sa voix se fit entendre. La famille comprit l'importance du secret et la scène changea subtilement d'aspect. Les deux enfants se relevèrent et chacun essaya de cacher son émotion. Une querelle s'élevait à la porte entre Mariette et un soldat qui devint si pressant que la cuisinière entra au salon. « Monsieur, un fourrier de régiment qui revient de l'Algère veut absolument vous parler. »« Qu'il attende !»« Monsieur, » dit Mariette à l'oreille de son maître, « il m'a dit de vous dire tout bas qu'il s'agissait de monsieur votre oncle. » Le baron tressaillit. Il crut à l'envers des fonds qu'il avait secrètement demandés depuis 2 mois pour payer ses lettres de change. Il laissa sa famille et courut dans l'antichambre. Il aperçut une figure alsacienne. « Est-ce à monsieur l'apparent Ilotte ?»« Oui. Lui-même »« Lui-même. » Le fourrier, qui fouillait dans la doublure de son képi pendant ce colloque, en tira une lettre que le baron décacheta vivement, et il lut ce qui suit. « Mon neveu, loin de pouvoir vous envoyer les 100 000 francs que vous me demandez, ma position n'est pas tenable. Si vous ne prenez pas des mesures énergiques pour me sauver, nous avons sur le dos un procureur du roi qui parle moral et baragouine des bêtises sur l'administration. Impossible de faire taire ce Pékin-là. Si le ministère de la guerre se laisse manger dans la main par les habits noirs, je suis mort. Je suis sûr du porteur. Tâchez de l'avancer, car il nous a rendu service. Ne me laissez pas au corbeau,